21h30, précisément, vous êtes sur Contrabande à 91.4, c'est la fréquence pour nous écouter jusqu'à 23h. Votre programme français, nous adressons à toute la communauté française qui nous écoute ici à Barcelone et dans la Catalogne, avec tous nos Catalans aussi qui parlent aussi très très bien français. Dans un instant, comme d'habitude, pendant une heure et demie, du pur plaisir. Une demi-heure en solo et puis d'ici une petite demi-heure, comme d'habitude, un petit groupe va venir nous rejoindre. Un petit groupe, c'est pas vraiment l'adjectif qui qualifie le groupe qu'on va recevoir ce soir. Toujours est-il qu'ils vont être là. D'ici une petite demi-heure, on revient dans un instant. Vous allez entendre cette douce voix sensuelle. Un homme de radio, un homme, une légende vivante. Il est en face de moi, le sourire aux lèvres. Il arrive. L'émission française qui arrive, les Gabachos. À tout de suite. On a même des coups de fil là, il y a du monde qui arrive, c'est vrai que c'est l'effervescence dans les studios. C'est toujours un peu le speed hein, quand même, hein. je sais pas si t'as remarqué, mais franchement le lundi c'est un peu le bordel hein, ici. Hein. Mais c'est pas bien grave, toujours est-il que nous on est là toujours à l'heure, à 21h30 pétante et ce jusqu'à 23h, comme je vous le disais il y a quelques petites minutes, c'est votre programme français. Les Catalans vont certainement éteindre la radio quand ils vont entendre les Gabachos parler dans le micro de Contrabanda, ouais, c'est pas grave. Ils vont dire putain los Gabachos, puis c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben, si on est là. Alors c'est bien de préciser mon ami Sylvain, hein, puisque c'est toi qui va un petit peu gérer tout ça aujourd'hui. Ça serait peut-être pas mal de parler un petit peu du groupe qu'on va recevoir d'ici une petite demi-heure, mais avant toute chose, je voulais juste rappeler que exceptionnellement et à la demande de nos auditeurs qui nous écoutent par le biais du net, c'est le cas de notre ami Christophe qui a eu quelques petits soucis de connexion la semaine dernière. Alors notre ami Christophe qui nous écoute certainement derrière son ordinateur, hein, puisque par le biais du net maintenant et pour tous les Français qui nous écoutent aussi en France, puisque je sais que c'est le cas, il va falloir quand même que Christophe se motive un peu version ordinateur, parce que je crois qu'il a eu un petit souci la semaine dernière, il nous a envoyé un mail pour nous parler de tout ça. Alors Christophe, ce message s'adresse tout particulièrement à toi. Il faut cliquer hein, sur le côté Castellano, écouter en live Contrabanda et ça se passera vachement mieux comme ça. En tout cas, j'imagine que ça sera vachement plus agréable à écouter. C'est le cas aussi pour notre amie Constance, pour notre amie Émilie, pour notre ami Stéphane qui nous écoute aussi par le biais du net parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire. Et ouais, il y a sans doute Valo aussi, Ederne, plein de monde. Et la communauté, on a plein de monde qui ça intéresse. Effectivement, la radio française. Donc c'est parti. C'est la quatrième. Parce que c'est encore quatrième. Et ouais, après avoir reçu Foufoua la semaine dernière, les Batuqueros et Kid Loco, et ben, attention, notre invité mystère. Entre autres, bah effectivement, c'est les hurlements de Léo ce soir. Ah, il est plus mystère. Il est plus mystère, c'est vrai. On aura Pépito qui sera là, qui va nous présenter son groupe, tout ça. On aura également des membres de Gadjo, puisque ils vont jouer tous ensemble. Donc mercredi prochain, ça sera 1er mars à l'Apollo, bien sûr. Et voilà, donc on va faire une petite jam session comme on aime si bien le faire ici parce que c'est du live. Et comme on le fait d'ailleurs très souvent le lundi à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h. Si vos voisins sont pas au courant, c'est le moment d'aller toquer à leur porte et de les prévenir qu'il se passe quelque chose ici sur Contrabanda, sur le 91.4, hein, fréquence mégahertz. S'il vous plaît, faites passer le message. Je pense que ça vaut le coup d'écouter. En tout cas, j'aurais pas la prétention de le dire, mais en tout cas, si vous le pensez, c'est déjà pas mal. Alors faites usage de cette émission comme il faut et allez prévenir vos voisins de ce qui se passe ici à 21h30 tous les lundis soirs. Ouais, Sylvain. Voilà, bah écoute, moi ce que je voulais t'informer, c'est que certaines personnes doivent être perdues puisqu'on a changé de nom. Non. Ah si, si c'est bah vrai. Ouais, tu sais, le côté un peu science-fiction, les irradiés des ondes, ça. Exact. Le coup pas des ondes. Ouais, c'était un peu provoqué en même temps. Bon ouais, bah non, bon, on a lâché l'affaire parce que tu sais qu'on n'arrête pas de nous traiter souvent dans le quartier de Gabacho. Los Gabacho, ça va. Bah, écoute, moi je disais que ça peut très bien nous coller à nous Français et justement à ce propos, écoute, moi j'ai fait une petite info. Pourquoi on nous appelle Los Gabacho? Là t'es en train de nous faire un petit rappel historique là, c'est ouais, ça non complètement. D'accord. Historique. Bah écoute, Los Gabachos, c'est donc c'était au 16e siècle en Espagne, un terme très courant qui en fait qui a été employé pour caractériser les Français rustiques du Sud, donc les immigrants en Espagne qui venaient ici pour gagner leur vie. Et, c'est un peu et le voilà. Cas tout le monde donc, ici d'ailleurs. Donc c'est assez incroyable parce que c'était des montagnards donc du sud de la France. Alors l'histoire est bizarre, c'est qu'apparemment ils manquaient de iode dans leur alimentation, ça leur a donné une maladie de la gorge qui leur donnait un accent particulier. Un petit peu de culture dans cette émission, ça fait pas de mal je pense. Hein. Écoute, bah oui, alors, justement va, pourquoi le terme, d'où la gorge en français, gargantua, la bouchia des ave, bouche d'oiseau, donc ça fait la voix à gavache qui donne le côté gavacho, et donc hablar en gavacho, c'est parler en français, los gavachos, tu vois, le côté péjoratif du terme, c'est ça, bah c'est nous, c'est complètement ça, et bah voilà. Accent de merde. Alors un petit peu d'autodérision dans cette émission, ça fera pas forcément beaucoup de mal, en tout cas en ce qui nous concerne, donc ça sera Los Gabachos Banda, il y aura même un lien aussi pour nous écrire si vous avez envie d'intervenir, de réagir, de raconter comme d'habitude une histoire drôle, un petit coup de gueule, ou de réagir par rapport à un phénomène de société ou un sujet d'actualité, sachez que vous pouvez d'ores et déjà le faire sur une adresse mail que je te laisse dire, parce que moi je la connais même pas. Bah, écoute, c'est gabachosbanda@hotmail.com. Mm-hmm. Donc vous pouvez réagir, mesdemoiselles, l'agente féminine qui nous écoute, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages d'amour, ça nous fera très très plaisir. Oh, chaud au cœur. Il est 21h36, dans un instant, vous allez avoir le plaisir de réécouter, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le groupe Foufouaï qui est venu nous rendre une petite visite. Au passage, sachez que les Foufouaï nous ont beaucoup marqué ici dans ce studio parce qu'ils ont joué en live, ils nous ont fait un truc exceptionnel la semaine dernière. Ah ouais, non, mais sont venus avec du matos, c'était incroyable quoi, et pur concert, on était dedans sur la scène. Là, voilà. C'était cool. Et donc j'annoncerai leur petit concert aussi, parce qu'ils jouent. Ils jouent le 4 mars prochain, et pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas forcément la radio ou pas forcément un stylo et un papier pour écrire un petit peu le lieu et la date grâce à laquelle ils vont jouer. C'est un lieu mythique. Ouais, qui s'appelle Puerto Rico. Donc c'est à Poblenou en fait, c'est exactement ça. Donc c'est un manque, parce que franchement c'est de la balle, hein. un lieu où il se passe rarement des concerts, mais quand il y en a, c'est de la folie. Exact, et ça sera Calle Tola, ça sera en numéro 76, métro Poblenou, comme nous le disait notre ami Sylvain. Dans un petit instant, on va se faire justement le plaisir de les réécouter Foufouaï, mais cette fois-ci ça sera pas en live, ça sera extrait de leur dernier album. Le titre s'appelle Barcelone, ça tombe bien puisqu'on y est, et nous on aura l'occasion certainement de rediffuser des extraits lors d'un futur best-of, hein, puisque ça y est, 4 émissions, il y a déjà un best-of. Si des fois on peut pas ramener notre gueule d'ici, bah, on vous fera les meilleurs moments. Exactement, juste un petit mot aussi pour le groupe que nous recevons d'ici 20 petites minutes. Il s'appelle Les Hurlements de Léo, c'est 10 ans d'existence, c'est 4 albums en studio, c'est 2 disques en collectif avec les Ogres de Barbac, c'est des tournées dans toute la planète, de l'Afrique à l'Australie en passant par le Japon et la Russie. Bref, vous l'avez compris, en ce lundi 27 février, c'est pas juste un groupe qu'on reçoit, c'est carrément des icônes de la musique française. Ça sera à partir de 22h, d'ici 20 petites minutes, en attendant, c'est nous qui allons se coller à l'antenne. Ok mon pote, exact. On y va? C'est parti. On se fait un petit foufouaï, ça va nous faire plaisir. Y'a rien de tel hein, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Hein. Ils fêteront leur anniversaire, les 1 an du groupe Puerto Rico, Calle Tola. Comme c'est bon. Oh yeah. Oh oh oh oh oh. Oh yeah. Barcelona, welcome. Barcelona, funky town. Barcelona with a handsome boy. Barcelona, what a pretty town. So much people, but nobody like you. Tanta gente, nadie como tú. I never feel that way before I met you. That's why I wanna be with you. Whoa, oh, oh, oh, oh. Ooh, yeah. Whoa, oh, oh, oh. Barcelona, my love. Barcelona, I'm so down. Barcelona, my baby's gone. Barcelona, waiting for someone. So much people, but nobody like you. Tanta gente, nadie como tú. I never feel that way before I met you. That's why I wanna be like you. Whoa, oh, oh, oh, oh. Oh yeah. Whoa, oh, oh, oh, oh. Oh yeah. Barcelona, you're welcome. Barcelona, funky town. Barcelona, baby, love. Barcelone, looking for someone. Barcelone, I'm alone. Barcelone, I'm so dumb. Barcelone, Castellón. Barcelone, missing for someone. So much people, but nobody like you. Tanta gente, nadie como tú. I never feel that way before I met you. That's why I wanna be with you. Ils fêteront leur un an de groupe, ça sera le samedi 4 mars prochain. Ça se passera au Puerto Rico, Calle Tola, au numéro 76. L'entrée est à 3€. Et il y aura aussi les Marbalos, il y aura Fufuay bien entendu. Il y aura des Sopas, Libanta Muertos, il y aura pas mal de belles choses à voir sur scène. Voilà, soyez-y, ça vaut le coup. En tout cas, nous, on a pris un énorme plaisir à les recevoir la semaine dernière. Et ça, c'est pas toi qui va venir le contraire, vu que tu dansais comme un petit malade dans les studios. Hein oh ouais, mais... ouais, non, mais je t'ai déchaîné, il faut le dire. Il faut le dire. Ah, t'étais déchaîné, c'est le cas de le dire. tu t'aurais vu, je t'assure. Bref, et on va enchaîner sur quoi, là, mon petit Lorenzo? Bah, je crois que t'as plein de petits trucs à nous raconter. Hein. T'as plein de trucs là, t'as moi, bossé comme un fou. Ah, ouais, moi j'ai des petites infos parce que, écoutez bien, ma foi. Qu'est-ce que je pourrais te dire, ma... Non. J'adore. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais je sais même plus par quoi commencer. C'est notre petite rubrique du baldaquin, ma foi. Ouais, enfin ça, on va peut-être éviter d'en parler, vu qu'il n'y a pas de résultat. Il y a un petit magazine assez sympa qui s'appelle Soft Secret qui nous parle de quoi de quelque chose de prohibé chez nous en France, de la marijuana. Et qui est prohibé d'ailleurs ici aussi. Ouais, plus ou moins, mais bon, il y a des magazines gratos qu'on peut trouver dans les troquets. Toi, tu te permets certaines libertés là-dessus, hein. Après, ça, c'est ton problème. Mais... Non, c'est vrai. Et puis, il y a des jolies filles qui posent nues en plus dans plein de plans. Là, oui, alors ça, c'est pas prohibé, mais ça, par contre. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que je voulais vous parler. C'était qu'en fait, un petit fait divers, il s'est passé quelque chose en fait du côté de Cadiz, c'est-à-dire que la Guardia Urbana et donc la police des frontières. Cadiz en Andalousie. Ouais, en Andalousie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une équipe de foot qui s'est présentée et qui allait jouer à Ceuta, donc au Maroc. Et donc le feeling et le flair de nos amis douaniers leur ont mis la puce à l'oreille. Nos amis, tu pourrais le mettre entre parenthèses, hein, s'il te plaît. C'est vrai. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ils se sont présentés en équipe de foot, quoi. C'est assez sympa avec l'entraîneur, les masseuses et tout, les ballons habillés en sportif, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-dedans, les douaniers, là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Parce qu'en fait, c'était un petit camouflage pour trimballer un paquet de kilos de marijuana. Et franchement, ils l'ont fait deux fois, et la troisième, ils se sont fait serrer. Mais c'est à souligner parce que c'est quand même assez marrant. C'est pour ça que tu voulais te mettre au foot, toi, d'ailleurs. Ouais, je voulais mettre au foot, tu vois. Bon, et voilà, bon, petite parenthèse. Moi, j'adore les sportifs d'aujourd'hui, moi. Ma foi, à ce sujet. Qu'est-ce que tu avais à nous raconter, Laurent, autrement des petites infos? Alors, moi, très personnellement, pas grand-chose. je crois que c'est surtout toi qui as bossé sur le contenu de la première demi-heure de cette émission, non? T'as plein de choses à nous raconter. Ouais, complètement. T'es un journaliste d'investigation, tu rebondis sur l'actualité, t'as plein de belles choses à nous dire. Alors, vas-y, enchaîne, on t'écoute. On écoute cette douce voix sensuelle qui est la tienne. T'es une légende vivante ici. Ouais, c'est que. Vieux loup blanc, c'est toi. Je crois pas. Bon, écoute. Alors, si, petite info aussi également, sympathique, c'est que dernièrement, en fait, le maire de Londres. S'est fait destituer pendant un mois de ses fonctions parce qu'il a insulté un journaliste et ça a été très loin. Donc ça, c'est assez marrant quand même parce que c'était pas la première fois. Et donc ce charmant politique nous disait à la fin, de toute manière, ça me dérange pas, je continuerai. Insulter les journalistes. Ouais, voilà. Mais c'était quoi? Il a traité un truc de fou, quoi. C'était quoi la question pour qu'il s'énerve tout seul à insulter les journalistes? J'imagine qu'il l'a pas fait gratuitement, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il lui a posé une question délicate, un truc un peu décalé, ça lui a pas forcément plu. Est-ce que tu t'es intéressé à cette question? Non, justement, en fait, il y a même pas de question. C'est que apparemment, il est désagréable avec tous les journalistes en permanence. Et il aurait traité de journaliste juif, je sais pas trop quoi. Si, on a les infos de marquer sur la petite feuille. Mais c'est un caractère antisémite alors. Caractère antisémite, quoi. Ça va très loin. Ouais, donc enfin, voilà, c'était petite info à ce sujet. Bon, quoi de neuf autrement en France, Lorenzo? En France, tu voulais nous parler de la télé-réalité parce que je crois qu'il se passe des choses. La télé-réalité, je crois qu'on en bouffe depuis des années maintenant, aussi bien en Espagne qu'en France d'ailleurs, et on en a tous un petit peu ras le cul. Alors moi, je sais très bien que depuis que je suis ici à Barcelone, la télé est régulièrement éteinte, et tant mieux. Mais je sais qu'en France, la télé-réalité commence à prendre le dessus sur tous les programmes plus ou moins culturels. Et apparemment, il y aurait une émission sur TF1 qui s'appelait Le Royaume, dont je ne connais pas vraiment le principe de l'émission, qui se serait arrêtée pour faute d'audience. Une bonne nouvelle quand même. C'est une très bonne nouvelle, c'était une séquence de télé-réalité médiévale. Donc aucune idée sur le sujet, mais bon, ça s'est complètement cassé la gueule. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre bien que les gens en ont marre de toutes ces conneries. Et bon, si ça peut faire avancer les choses, pourquoi pas. Alors, je sais pas quel était franchement le principe de l'émission. Toujours est-il que le public n'a pas suivi, que l'émission a dû s'arrêter et que ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe en France, mais je pense qu'on en a tous un petit peu rien à foutre de ce qui se passe là-bas. Toujours est-il. Attends, j'ai une autre info. Ah, vas-y, balance. Balance. Ce qui se passe en France, bah écoute, il y a la grippe aviaire. On a eu le premier cas dernièrement à Versailles. Alors, ça, c'est pas qu'en France, ça, c'est toute la planète qui est. Ouais, mais ça y est, c'est tombé en France. T'imagines même pas, attends, l'industrie avicole chez nous et également, bossé, surtout en Bretagne. T'as travaillé, toi, cet après-midi. Voilà, franchement, t'as bossé. Je suis bluffé là. Bah moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu me le dises. Bah, t'entends, mais quand tu fais des choses bien, je le reconnais. Hein, même derrière un micro, et je pense que les auditeurs doivent être au courant de ce qui se passe. Hein. T'es un bosseur. T'es un vrai bûcheur. Voilà. Non, mais il y a une. Et je t'explique. Il y a une certaine psychose, quoi. Donc, il y a 250 millions de masques qui ont été prévus par le gouvernement. Si vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, un certain virus H5N1. Bon, bah, ça, tout le monde a rien à foutre. Mais bon, bref, ça se casse la gueule, il va y avoir du chondu, tout ça. Et ce qui est incroyable, mais moi, tu vois, je m'imaginais quand j'étais petit, la pub des poulets de Loé, là, qui se promènent dans les champs, tout ça, là, qui sont à l'air libre et compagnie. Et ben, c'est fini, retour incroyable. Fini à la dérogation de Bruxelles au sujet, justement, de ces labels d'élevage. Et ben, les retours, en fait, on revient à l'élevage en batterie généralisée. Ben, ça m'attriste sérieusement, je tiens à le dire justement sur les ondes. Voilà. T'as raison de balancer. Dans un petit quart d'heure maintenant, vous retrouverez le groupe Les Hurlements de Léo qui nous feront le plaisir et le privilège d'être ici dans les studios de Contrabanda pour une heure. Vous pouvez évidemment poser des questions par le biais du net si vous êtes intéressé. L'adresse mail grâce à laquelle vous pouvez intervenir et réagir à l'antenne s'appelle les Los Gabachos Banda. Non. C'est ça? Ah non, c'est Gabachos. Ah, c'est Gabachos d'ailleurs. Banda. Gabachos Banda. Gabachos avec un S. Ouais, tu vois, si je connais même pas le lien pour nous écouter, ça va pas aller cette histoire. Non, mais écoute, on t'en veut pas, hein, Laurent. Non, mais c'est pas bien grave. Je suis un peu fatigué. C'est comme ça que ça se passe le lundi, c'est le début de semaine. Tu es fatigué, tiens. Non, je suis fatigué, ouais. Il se passe des choses la nuit. Je sais pas. Toujours est-il que je suis claqué. Mais il y en a qui bossent, hein, tu sais. Il y a des choses qui arrivent. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. On avait décidé tous les deux de passer un tetraed. Un tetraed qu'on n'écoute plus, malheureusement, beaucoup, aussi bien en France qu'ici en Espagne. Donc, on s'est dit qu'on allait profiter de cette émission française. Un classique, un grand classique. Allons-y, ma foi, comme tu dis. Juste le temps pour moi de me préparer, de balancer tout ça. Le titre s'appelle Ginette. Pour les amateurs de cette musique, vous connaissez forcément, vous allez monter le volume de votre poste de radio à son paroxysme. Vous allez chanter derrière votre poste de radio comme nous, on va le faire ici dans les studios. Faites-vous plaisir, l'émission dure jusqu'à 23h. Il nous reste, allez, 1h15 ensemble. Dans un petit quart d'heure, moins d'un petit quart d'heure maintenant, 12 minutes pour être plus précis, il y aura les Hurlements de Léo, le groupe mythique et légendaire qui viendra ici dans les studios chanter en live et en plus répondre à toutes nos questions et à vos questions par le biais de cette adresse mail que je viens de vous citer, mais que je ne répéterai pas parce que je ne la connais pas. Voilà, ouais. Vas-y, je te laisse c'est le énorme, faire. C'est énorme. Bon, bah allons-y, Ginette. On y va, Ginette, hein. Allez, c'est parti. C'est clair. Voilà, ça se passe sur Contrabanda. Ici, 91.4, c'est la fréquence pour nous écouter. Faites-vous plaisir, l'émission dure jusqu'à 23h. On est en pleine forme, comme vous avez pu le remarquer. Sortant d'abord de trop, il perdit son oiseau. C'est drôle, car tant faut-il, il vend les oiseaux sur un coin de trottoir. Il vend les oiseaux aux enfants qui mangent trop. Il vend les oiseaux. On vend bien de la musique. Je me suis associé aux oiseaux du quartier. De toutes les cages, ils ont la clé. C'est elle qui attendait le bateau sur lequel, en criant son costaud, mais il ne revient pas. Et crachant sur la mer, il ne revient pas. Elle est couchée par terre, mais il ne revient pas. C'est un gars du Pacifique, et maudissant les flots, qui n'en ont rien à faire sans nos marins. C'est rien que de l'oro. Consolater, la veuve prit un moineau. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle ne savait pas qu'il s'envolerait si tôt. Mais elle ne savait pas qu'elle en tomberait pour Gino. Elle ne savait pas qu'on pouvait crever et revivre à nouveau. Hey Gino! Mais au matin, tout est fini. Les oiseaux sont-ils? Mais Gino s'enfuit, mais cette fille couchée là dans ses dentelles. Et en plus, on n'est pas célèbre. Et alors, pourquoi? Parce que je m'en fous de ça. J'ai pas de problème. Vous avez l'air tous de tomber les nues. Si on vous avait rencontré avant, on aurait pu niquer tout de suite sans même être célèbre. Alors que moi, pendant ce temps-là, je me la suis donnée grave. Merci à vous. Ça se passe en live. Et tout à l'heure, dans quelques petites minutes, avec les hurlements de Léo, il y aura la même ambiance ici dans les studios. Ouais. Et ouais. Et c'est pas pour nous, hein, tout ça. Hein. C'est pas pour nous, tous ces cris. Toujours est-il que c'était les Têtes Raides. Extrait de l'album Viens. Le titre s'appelait Gino. Ouais. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous ici, derrière votre poste de radio, à kiffer les Têtes Raides qu'on entend malheureusement trop peu ici sur les antennes. Et ici, par contre, dans cette émission, ça se passe comme ça. Hein. On est d'accord. Hein. Mais on est d'accord. Et vive le live. Vive le live. Vive le live. Justement, puisque là, c'était un enregistrement en direct, enfin, en live du moins, des Têtes Raides. Mm-hmm. Et justement, ça nous amène à la chronique des concerts. Qu'allons-nous faire justement la semaine prochaine, mon cher Lorenzo? Alors vas-y, allons-y. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Il y a du boulot, franchement, il y a du boulot. Bon, bah, ce soir, c'est seul qui veut s'amuser. Il y a la Jamboree, mm-hmm, cher Laurent. Comme tous les lundis. Et demain, mon petit doigt me dit que peut-être nous allons aller faire un tour du côté du carnaval de Sitges pour la clôture, très important à signaler. Il y a aussi également les Batou Kéros et la Caillé qui jouent à Chaise Lounge, Caillé des Poutassios, très important. Ils sont venus avec nous également faire une petite session. Mais ils étaient dans les studios il y a deux petites semaines, ils ont joué aussi en live, ils nous ont procuré beaucoup de plaisir et je crois que les auditeurs étaient plutôt contents après avoir reçu un certain nombre de mails concernant le groupe des Batou Kéros. Effectivement, c'est au Chaise Lounge et c'est jeudi soir à partir de... Un peu plus tard. Hein, ah, c'est plus tard encore. Ouais, je pense que ça doit être du 22-23h. En tout cas, nous on y sera. Hein. Ouais, il y a des chances. Puis vous pouvez pas nous louper. Hein. J'imagine que c'est le cas, non? Ah, ouais. Allez, vas-y, on enchaîne. Bon, on enchaîne. Bah, le même soir, il y a beaucoup de choses. Il hein. y a Bacan Avisatis, un lieu qui s'appelle la Ruka, 21h, à la Reina Amaria, numéro 36. Voilà, autrement, gros concert au sidecar, hardcore, monochrome, it's not not, electropunk. Ah ouais, non, mais là ça va péter, attention, sympa. C'est vrai. Ah ouais, ça me fait bon, marrer, bah, le mercredi 1er, que y a-t-il, ma foi? Bah, il y a également aussi, bah, on en a parlé, le hurlement de Léo et Gadjo, on en reparlera tout à l'heure, à l'Apollo, bien sûr. Mm-hmm. Également, le Chiesudaka au London Bar, c'est gratuit. Ça enchaîne sur le jeudi, quoi. Jeudi, pareil, également. Les hurlements de Léo qui vont venir jouer. Donc, ça sera dans le Raval, ma foi, au café Liantol Théâtre pour 5€ à minuit et demi, cahier Rerieta numéro 7. Voilà, et quoi d'autre? Il y a les Roses des Bourreaux qui sortent leur nouvel album. Mm-hmm. Voilà, donc ils jouent 3 jours au Mercat del Flor. Donc ça, c'est à côté de la Plaza España. Jeudi, vendredi, samedi. Il y a le frère de Firmin Muguruza, Javier Muguruza, à la Pedrera. Sans doute, il va jouer sur le toit, j'imagine, comme ça se passe l'été. Quoi d'autre? Vendredi, le concert de soutien de Contrabanda, puisque on n'en a pas parlé encore, mais notre antenne s'est cassée la gueule, il va falloir des thunes. Et c'est un peu mal émis sur Barcelone, on ne sait pas comment reçoivent nos auditeurs, mais bon, ça marche très bien sur Internet. Enfin, ceci dit, voilà, on compte sur votre soutien tous vendredi prochain. On est en train de faire la programmation, on nous a demandé de proposer des groupes. On va s'en occuper aussi, donc on vous donnera plus d'informations. Voilà, donc vous avez notre adresse mail. On essaiera de faire la promo. Que y a-t-il encore? Ouais, il y a un concert que pont à l'Hospitalette, Terrorisme au Sonoro plus 3 autres groupes. On en a parlé tout à l'heure. Samedi 4, Fufuay au Puerto Rico à ne pas manquer, 3 euros. À Poblenou à 22h. Calle Tolat numéro 26. La Kinky Beat et Pirata Sound System qui jouent à Leida, c'est en Catalogne. Et voilà, dimanche pour terminer tranquillou, ben, on peut aller au rail quoi, à 19h, il y a toujours un concert, c'est bien sympa, espace ouais. Autogéré aussi. Comme tous les dimanches, en tout cas ce qu'il faut retenir de toutes ces petites infos, au-delà du fait que vous n'allez pas beaucoup dormir encore une fois cette semaine, puisque Barcelone nous propose de faire la fête encore une fois très tard dans la nuit, mais c'est un peu le principe aussi. Ce qu'il faut retenir donc, c'est le concert effectivement des Hurlements de Léo à l'Apollo, ça sera donc mercredi soir, mais on va en parler plus en détail dans quelques petites minutes avec eux, avec les membres concernés, puisqu'ils vont venir dans quelques petites minutes s'installer tranquillement, prendre place ici dans le studio. Ils vont nous réchauffer un peu parce qu'il fait pas chaud. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi je trouve qu'il fait un peu froid dans cette émission. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Attends, Laurent, mais une chaleur humaine ici, mais assez incroyable. Quoi. Mm-hmm. Pour l'instant, on est tous les deux dans le studio, mais ça va se réchauffer, mon gars. Attention. Et puis, ouais, comme tu disais tout à l'heure, les gens risquent un petit peu de se déhancher devant leur poste de radio. Comme tu le dis, devance leur poste de radio. Voilà, toujours est-il que, au-delà du fait que mercredi, les Hurlements de Léo à l'Apollo, ils joueront aussi jeudi, et il y aura aussi les Batuqueros, comme tu le précisais si bien, et évidemment les Fufuay, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'ils nous ont fait le plaisir de venir aussi la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, le samedi 4 mars, ils fêteront leur 1 an d'existence ensemble, ce sera l'anniversaire du groupe, et ils joueront donc au Puerto Oraco, Calle Tola, au numéro 76, c'est Metro Poblena, où c'est pas très très loin d'ici, on vous dévoilera pas l'adresse précise de la radio parce qu'on n'a pas forcément envie de vous voir en bas et vous demander de venir ici dans les studios parce qu'on va être très très nombreux encore une fois ce soir, et comme ça c'est le cas tous les lundis. C'est vrai, et puis il risque d'avoir des groupies en folie. Des groupies, ouais, c'est surtout ça qui me fait flipper moi. C'est les petites nanas qui nous attendent à la fin de l'émission et qui s'appellent Bernard. Voilà, j'imagine que... Bon, en tout cas on est en forme, c'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pêche, non, allez, 2-3 petites minutes, le temps de se faire un petit San Severino. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas diffusé ici et c'est même là une grande première. Et puis on a tendance à oublier un certain nombre de groupes, aussi bien comme les Tetraed que un air de famille qu'on va avoir l'occasion de diffuser tout à l'heure avec les membres du groupe qui vont nous parler un petit peu de leur collaboration avec les Ogres de Barbac. Ça se passe d'ici quelques minutes et ce jusqu'à 23h. C'est votre programme français. Je vous rappelle que vous êtes les premiers animateurs de cette émission. Vous avez un truc à dire, une anecdote, une histoire drôle, un coup de gueule à passer, vous êtes les bienvenus. Une adresse mail pour réagir. gabachobanda@hotmail.com. Voilà, vous êtes sur Contrabanda 91.4, c'est la fréquence pour nous écouter. Ceux qui ont un peu de mal, n'hésitez pas à brancher votre poste ordinateur, vous mettre sur internet. Moi j'ai un peu de mal avec tout le vocabulaire. Ouais, c'est vrai, t'es encore au poste. Ouais, je suis encore au poste internet moi. Tu l'as dedans, ouais. Ouais. Donc vous mettez www.contrabanda.org et vous cliquez comme l'a fait Christophe, j'espère, ce soir, puisqu'il doit certainement nous écouter derrière son poste de radio. Il doit bien se foutre de notre gueule. On attend ses grosses critiques à la fin de cette émission. Un auditeur fidèle de cette émission qui nous écoute par le biais de son ordinateur, comme vous. J'espère. Voilà, merci à tous en tout cas d'être présents sur les antennes et sur les ondes de Contrabanda. 91.4 la fréquence, d'ici quelques minutes, les Hurlements de Léo. A tout de suite avec San Severino. André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde. J'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein sur sa table, tiens. Il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son kawaii, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon en tergale, pas repassé. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. Découvre tout ça. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça. San Severino, ici même, sur Radio Contrabanda. Quel plaisir, ça fait un moment qu'on les avait pas entendus ceux-là. Hein. Dis donc, San Severino, dans un petit instant, on va laisser juste le temps à nos amis des Hurlements de Léo de s'installer tranquillement dans le studio. Je vous rappelle que les Hurlements de Léo sortent un prochain album le 13 mars prochain. L'album va s'appeler Temps Suspendu. Les Hurlements de Léo, pour ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment, c'est 10 ans d'existence, c'est 4 albums en studio, c'est 2 disques en collectif avec les Ogs de Barbac, notamment un air de famille. On aura l'occasion de diffuser un extrait tout à l'heure. Et évidemment, des tournées dans toute la planète, comme on l'a dit tout à l'heure, Afrique, Australie, ils ont fait quoi? Ils ont fait le Japon, ils ont fait la Russie. Apparemment, ils jouent régulièrement, une fois par an en Russie d'ailleurs, j'ai entendu dire. Ouais, une fois par an, parce qu'ils ont un groupe qui est pote à eux en fait, tu vois. Mm-hmm. Un groupe qui s'appelle Tequila Jazz. Tequila Jazz qu'ils ont rencontré à Saint-Pétersbourg lors d'une tournée. Voilà, il y a un très bon feeling et ça leur permet d'aller faire un petit tour là-bas tous les ans, plus ou moins. Ouais. C'est vrai que leur tournée en fait est un peu planétaire. C'est vrai qu'ils ont passé un mois en Afrique, donc du Gabon au Cameroun, en passant par le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et l'Australie aussi. 3 tournées, attention, l'Europe de l'Est également, donc le Japon une semaine, la Russie, le Moyen-Orient, l'USA, le Canada. Non, mais c'est vrai que et puis Barcelone et Radio Contrabanda ce soir. Voilà, ouais. Je crois que pour boucler une tournée planétaire, je crois qu'il fallait forcément passer par les studios d'ici à Contrabanda. Ils arrivent dans quelques petites minutes, juste le temps pour eux de s'installer. Voilà, le groupe mythique et légendaire, celui qu'on adore et qu'on attend. Voilà. Il y a la porte qui vient de se fermer. En attendant, nous, on va se faire un petit plaisir et laisser tranquillement le temps à tout le monde de s'installer, pépère, de se poser. On va discuter, mais vous, derrière votre poste de radio, vous allez rester bien entendu branché. Le bouton du volume à son paroxysme, mesdemoiselles, messieurs, et quoi, et donc mesdames aussi, il doit y avoir des dames. J'espère bien qu'il y a une certaine présence féminine. Je crois même que les organisatrices du concert sont là et vont pouvoir nous parler de comment ça se passe tout ça. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Voilà, dans un petit instant, le groupe s'appelle Tulou et le titre s'appelle La Solitude. C'est pas forcément le cas ce soir, mais c'est pas grave. On avait forcément envie de vous le donner l'occasion de les écouter aussi. Voilà, c'est ça, c'est Tulou, hein. Ouais, c'est Tulou, un groupe de la même mouvance, carrément, et une reprise de Léo Ferré, un petit jeu de mots avec les Hurlements de Léo. Voilà. D'accord, ils vont nous expliquer tout ça d'ailleurs, d'où le titre et l'historique, ils vont nous parler de tout ça. Tulou et La Solitude. Comme je vous le disais, c'était pas forcément le cas, mais c'est pas bien grave. 22h05. Non, c'est dans des pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends les mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Et je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude. La solitude. Sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Et si vous n'avez pas dès ce jour le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous. Car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour et la solitude. Il est de toute première instance que les lave-vis automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voies libres. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience. Et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, la solitude. Supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude. Code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos damnées démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge. Par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. Le groupe s'appelle Tulou. Et le titre de la chanson s'appelle Solitude. C'est pas forcément le cas, puisque ça y est, ils viennent de nous rejoindre. Alors, un petit peu prématurément, je sais pas si c'est forcément le cas, mais toujours est-il que vous êtes là dans la place, les mecs. Tranquillement en train de s'installer. Ah, il y a de l'ambiance. Et il y a la, ah, voilà, la jambe féminine dont on parlait tout à l'heure, qui est enfin de retour dans les studios. Ça fait plaisir. Et je crois que c'est pas la première fois pour certaines de les voir ici derrière un micro. On va les entendre tout à l'heure. Elle s'appelle Nadège, elle s'appelle Delphine. C'est elles qui sont à l'origine de l'avenue du groupe des Hurlements de Léo. Cette voix douce et sensuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est celle de notre ami Pépito. Eh oui, c'est de toi dont je parle. Oui, c'est toi dont je parle, Pépito. Bon, trompettiste des Hurlements de Léo qui est venu nous rejoindre. Quel plaisir, c'est un privilège pour nous de te recevoir. Pareil aussi, c'est un privilège d'être à Barcelone. Hein. D'être à Barcelone et d'être à Contrabanda par la même occasion. Eh oui, avec plein de potes. Avec plein de potes. C'est un sacré bordel. Mais c'est un sacré bordel, ça je te le fais pas dire. Ouais. Ah, je te confirme, ici dans cette émission. Bien vu, ça fait plaisir, plein de monde, là, on a différents musiciens avec nous, on a aussi Franck du groupe El Capel, ex Black Baudelaire, on a Javi justement qui représente le groupe Gadjo qui sera en première partie juste avant les Hurlements de Léo, mercredi. Voilà, donc à l'Apollo, on en a parlé maintes et maintes fois ici de ce fameux concert qu'on attend avec impatience. Ah ouais, aussi bien mercredi à l'Apollo, donc pour la modique somme de 7€, je crois que c'est pas quand même énorme hein, pour les gens qui nous écoutent. Je crois que ce sera l'occasion aussi d'aller se présenter donc à partir de 21h, ça sera à l'Apollo. Le nom de la rue, je m'en souviens pas, j'ai pas forcément une très très bonne mémoire là-dessus. C'est New de la Rambla, c'est ça, excusez-moi pour le manque d'informations les gars. Et Gadjo donc en première partie, que vous allez entendre aussi dans quelques petites minutes. Il y a des guitares qui débarquent. Voilà, là, ça s'organise. Ça s'organise, c'est plutôt pas mal. Alors un petit mot Pépito, puisque c'est toi qui représente un peu le groupe des Hurlements, c'est toi qu'on contacte, c'est toi qui t'occupe un petit peu de tout ça, de la promo et tout ça, puisque t'es là pour représenter les Hurlements de Léo qui joue mercredi. Eh bien ouais, bah, j'ai rencontré les fans, on s'est vu avec les filles par internet pour commencer, après par téléphone, et on voulait venir jouer ici à Barcelone. Enfin, en Catalogne ou même en Espagne, tout court. Et parce qu'on venait souvent, bah, par exemple, il y a Philippe qui est là, qui joue des cascasses et qui travaille au Syncopa. Quel Syncopa, voilà. Bien sûr, on a déjà eu l'occasion de se croiser derrière le comptoir, mon ami. Voilà. Normal. T'as Syncopa en présence. Déjà venu jouer une fois chez lui avec une bande de potes, voilà. Et puis c'est le fait de revenir au bout de 5-6 ans et de partir jouer aussi souvent à l'étranger avec les Hurlements. Bah c'est le mais moi qui est à côté de l'Espagne. Bah moi je pense qu'on peut pas mieux commencer une tournée en venant ici à Barcelone et faire deux dates aussi bien à l'Apollo que le jeudi, puisque vous jouez aussi jeudi le lendemain dans un petit bar qui s'appelle, si tu peux préciser. J'ai les infos. Vas-y. Attends, balance, j'ai rebondis sur l'actu, t'as incroyable, au Café Liantol Théâtre pour 5€. Voilà, à minuit 30, Cahier Rierreta numéro 7, c'est dans le Raval. Mais bon, on laissera un peu la parole tout à l'heure aux organisatrices de tout ça quand même, les voix sensuelles féminines sont parmi nous. Elles sont juste derrière. Nous, on a l'occasion, alors c'est malheureusement pas le cas pour nos auditeurs, ils ont malheureusement pas l'image, mais nous, on a l'occasion de les voir ici dans les studios. Vous entendrez leur voix tout à l'heure, ça vous fera plaisir aussi, chers auditeurs qui nous écoutaient. Tu vois-t-il qu'en attendant, c'est nos musiciens qui vont nous parler un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, les Hurlements de Léo, c'est 10 ans d'existence, c'est 4 albums en studio aussi, d'accord. C'est 2 disques en collectif avec les Orques de Barbac, vous parlerez de tout ça, d'où l'association, etc. Le projet exactement, quel était le projet, est-ce que c'est justement l'identité musicale de chacun qui vous a rassemblé sur scène? C'est le fait de, on s'est rencontré la première fois au printemps de Bourges, on était dans les découvertes de Paris, nous sur la région Aquitaine, et on a passé une journée ensemble, à se voir ensemble, à jouer, à être dans les langes ensemble, à commencer à jouer ensemble. On s'est quitté ce jour-là, on s'est revu après à Nantes sur une soirée où on joue ensemble, la même programmation. Et eux avaient déjà acheté un chapiteau qui s'appelle le Lachodrome. Exact. Et depuis, en fait, on a eu l'idée de faire un spectacle ensemble pour pouvoir acheter des chapiteaux et de pouvoir faire un spectacle itinérant avec des associations dans toute l'Europe. Et en fait, ça s'appelait Un air de famille. Voilà, d'où la sortie de l'album Un air de famille. Voilà, et puis on a réussi à faire 7 pays. On est reparti pour démarrer, on a attaqué à Bordeaux chez nous. Ensuite, on est retourné au printemps de Bourges et pour faire le spectacle d'Un air de famille sous l'igloo, un dimanche, sur la grosse scène. Et après, on a attaqué par la Belgique, Allemagne, Hongrie, Pologne, Roumanie et Suisse en revenant. Voilà. D'accord, ça c'est pour l'Europe puisque vous avez déjà eu l'occasion de jouer aussi à travers toute la planète. Après, ça c'est avec l'Hurlement, mais avec on a fait pas mal de dates pour essayer de vendre le disque avant avec les Ogres en France pour pouvoir vendre et puis pour financer cette tournée. D'accord. Qui était pour nous un succès puisqu'on a récupéré beaucoup d'argent et ça a permis de refaire le chapiteau. Pour d'autres associations, pour des orphelinats, d'envoyer de l'argent là-bas et de tout redonner, en fait, voilà. Vu que c'était un projet à la base et on n'a rien pris dans les poches, voilà. Eh ben, c'est bien, c'est bon esprit en tout cas. C'est bon esprit. Cette tournée, c'est l'occasion aussi de parler du futur album qui va sortir le 13 mars prochain, qui s'appelle Les Temps Suspendus. C'est ça, on est d'accord. On disait, enfin, moi j'ai l'occasion de lire un petit peu aussi bien sur votre site internet perso qui s'appelle leshurlementsdeleo.com, c'est ça? Pour toutes les infos, ceux qui nous écoutent, qui veulent un peu plus de précision sur les dates, sur l'historique du groupe, sur la bio, tout ça, vous pouvez aller d'ores et déjà vous brancher sur internet et sur cette adresse, leshurlementsdeleo.com, où vous avez un maximum d'informations sur tout le groupe. Leshurlements.com, c'est pareil. Leshurlements.com, c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord, leshurlements.com, ça ira plus vite. Est-ce que vous précisez sur votre site et aussi bien sur la fiche? Bah ouais, ça ira plus vite, non, franchement, on va pas se faire avec fait tout le truc et tout. Vous dites que ce nouvel album est plus riche et qu'il ressemble un peu plus à l'identité musicale de chacun d'entre vous. Mais en fait, On va dire qu'il est peut-être moins rythmé, mais en concert il est tout autant parce qu'on a refait les morceaux en résidence. Là, on sort juste de résidence, on les a retravaillés pour la scène. Mais on essaie de faire un album. Déjà, on l'a enregistré avec un mec qui s'appelle Reptile, qui a fait. Ouais, qui était un mec qui a bossé avec NTM Suprême et notamment le premier album de Ludwig. Le premier album d'NTM. Voilà. Et là, qui a fini d'ailleurs le dernier de Saiyan Supacru aussi. Exact. Qui a fait le dernier de Sergio Garcia. Ouais. Et qui a bossé aussi avec Ludwig, 2088. Voilà. Ouais. En fait, notre manager, c'était le manager de Ludwig à l'époque et le manager de Sergio Garcia. Et en fait, on l'a rencontré comme ça. D'accord. Par le biais de Sergio Garcia. Voilà, en fait, c'est comme toutes les rencontres. C'est en traçant, on rencontre machin. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein, en voilà, dans la musique, ouais. Voilà. Mais la preuve, il y a Franck qui est là. Bah, on va présenter tout le monde d'ailleurs. Joe, voilà, je pense que ça va buffer d'ici la semaine. Franck est prêt. Allez, vas-y, Francky. Voilà, avant, je jouais dans Black Baudelaire. Et avant, je jouais avec le chanteur d'El Capel qui s'appelait, dans un groupe qui s'appelait Color Humano. Mm-hmm. Et puis, bon, avec Pepito, ça fait, je sais pas, 5-6 ans qu'on se croise ici à Barcelone. Oui, parce que toi, t'es. Il y a des gabachos, quoi, tu vois. On est originaire de la même région. Ah, vous êtes bordelais. Ah, moi, je suis parisien, mais. D'accord. Mais j'habitais des années à l'île d'Oléron, tu vois. D'accord, ouais, donc effectivement, pas loin de l'Aquitaine. Il y a beaucoup de liens ici, hein. Apparemment. Ça fait une semaine que t'es là. T'es venu un peu en vacances, voir comment ça se présentait. Et on a l'impression qu'il y a toute une troupe qui se connaît, quoi. Il y a beaucoup de connexions. Ouais, parce que, comme tout à l'heure, il disait justement entre Zikos, mine de rien, quoi. On a plus ou moins les mêmes contacts, on se croise facilement, quoi. Je pense que le plus difficile quand vous jouez aussi nombreux chacun, c'est de vous retrouver au niveau d'identité musicale, sachant que toi t'as joué dans les Black Baudelaire, qui est quand même pas forcément le format qui ressemble avant, plus au. J'ai joué dans un groupe de rock. Black Baudelaire, j'ai joué 2 ans, et Color Mano, j'ai joué genre 3 ans. Tu vois, d'accord. C'était rock un peu mestizo, tu vois. Donc, d'accord, ok, d'accord. Avec des morceaux qui sont carrément punk, des fois. Bon, je vois en tout cas que t'es déjà prêt à jouer. C'est ouais, déjà. Ouais, il est kiffé. Ah, c'est bien, c'est bien. Comment on l'appelle ton instrument là? C'est quoi ça? Le tama, c'est malien, sénégalais. Sinon, c'est talking drum. Bah écoute, on va t'écouter faire une. Parle. On va tu vas nous faire une petite mélodie. On exactement. Va faire le tour des musiciens parce qu'on a un accordéon aussi, on a 2 guitares. Non, on a 1 guitare. On a des boules aussi, hein. Ouais, on a les boules, il est venu avec ses boules là, le patron des Syncopas. Ça pète, Philippe. Philippe, vas-y. Et puis Pépito. Mais les. Un petit délire. Allez, vas-y, on vous écoute. C'est la meilleure façon de se présenter ici. Instrument qui nous vient du Mali, c'est ça alors? Mali, Sénégal. Mali, Sénégal. Et Philippe, il sort d'où ces boules là? C'est Maracas. Non, ça, c'est, bizarre, ça c'est universel ça. Le Dakar. Le Dakar. Voilà, donc, Made in Africa, on est d'accord? Là, ça fait plaisir hein, parce que chaque semaine, on a essayé de faire une programmation musicale et des artistes viennent et ça part en jam session, pur impro quoi, hein, Laurent. Un petit bœuf ici le lundi soir à partir de 22h et ce jusqu'à 23h. C'est votre programme français 91.4, c'est la fréquence pour nous écouter par le biais de votre poste de radio. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir un émetteur suffisamment correct et qui nous entendent avec des grésillements, vous ouvrez votre page ordinateur, c'est ça, on est d'accord, c'est ça. Bah, bien sûr, www.contrabanda.com. Punto.org. On est d'accord. Et ça sera nettement plus facile. Le son sera vachement meilleur, j'imagine. On va les entendre dans un petit instant. Juste le temps pour nous de rappeler un certain nombre de dates concernant les hurlements de Léo. Donc les hurlements de Léo, c'est des guitares, c'est des violons, c'est l'accordéon, c'est les trombones, c'est la batterie, c'est la contrebasse, c'est la trompette, le saxo, le piano et j'en passe. C'est quand même assez éclectique au niveau des instrus. Ouais. On va les écouter dans un petit instant. Ça va nous faire plaisir de vous écouter un petit peu les mecs. Et aussi bien les instruments chacun de votre côté. Parce que là, c'était... Rappelle-moi le nom. Il va peut-être falloir qu'on le retienne, hein, nous. Un petit souci comme ça pour retenir, mais bon, c'est pas bien grave. On va se démerder, on va trouver une solution, on va retenir tout ça. Comme là, pardon ? Comme la marque de batterie. Tama. Comme Tama, oui. Alors moi, je suis pas musicos. D'accord, ok, on retiendra en tout cas. Si vous avez envie de réagir, comme d'habitude, hein, vous le faites par le biais de cette adresse mail qui vous est proposée, gabachos, banda@hotmail.com. Gabachos, ça te fait marrer, hein. Mais la raison, en même temps, c'est un peu le cas. Ouais. On a parlé de l'historique, plus ou moins, du nom, hein, puisqu'on était, ils ont été nombreux à nous parler en nous disant, les mecs, bon, vous êtes les petits français, vous faites de la radio ici à Contrabanda sur une radio catalane. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes les petits français, qu'il y a un terme qui colle parfaitement aux petits français qui sont ici, résidents catalans, et ça s'appelle les Gabachos, et c'est d'où le nom, effectivement, de cette émission de radio. Ouais. On va vous écouter dans un petit instant, les mecs, on reviendra aussi sur un certain nombre de dates, puisqu'ils commencent leur tournée ici à Barcelone, mais après ils vont enchaîner aussi bien Genève en Suisse que Sergi Pontoise. C'est chez moi, là, les gars, vous allez chez moi, là. Sergi Pontoise. 95 représente. C'est énorme. Ici, ça sera à l'Observatoire d'ailleurs. Et puis ils vont jouer dans les plus grandes villes de France, que ça soit Cannes, Marseille, Nantes, Lyon, Strasbourg ou encore Paris. Ils finiront à Toulouse aussi le 11 mai prochain. Ça sera au Foyer Panneau, c'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Hein, ouais, carrément. Ouais. D'accord. Et ça sera le 11 mai prochain pour ceux qui nous écoutent. Par l'association Première Pression. Première qui fait le festival en ce moment, Oxygène pour tes oreilles, et le Garo Rock à Marmande. Voilà. D'accord. Et Genève, c'est un festival, non ? Ouais. Après, c'est un festival. C'est un petit peu la foire, on va dire la foire au disque, un truc comme ça. Il y a Fest qui joue, je crois qu'il y a ça. Il y a du bon monde qui sera là-bas. C'est la musique assez variée. Ouais. D'accord. Aussi, là, vous avez un gros mois chargé quand même. Ouais, bah là, on sort un album, voilà. Donc, puis on a la chance d'avoir des dates. C'est bien. Et alors, au-delà du fait qu'effectivement vous allez vous produire sur scène et que toute la France va avoir l'occasion de venir vous voir, il y a aussi des écoutes du disque qui sont déjà lancées en France. Bah, si tu veux, là, ce soir à Bordeaux, chez nous, il y a l'écoute avec un. En fait, là, on offre un fût de bière aux gens qui viennent. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Voilà, ouais. C'est mon plan ça. On va dire qu'on en a profité avec la maison de 10, c'est la maison de 10 qui paye. Qui paye la bière. Voilà, ouais. Okay. Là le bon plan, moi je pense qu'on devrait faire ça pour cette émission. Ouais, ouais. C'est encore meilleur plan, c'est que lui il est même pas, tu vois, il est à Barcelone. À Havana Club, hein, voilà. Ouais, mais t'inquiète, il a la bière pas loin. Les autres demain sont à Toulouse, au petit London, et puis ils arrivent mercredi. J'espère qu'ils vont pas se coucher trop tard pour être en forme mercredi aussi. Ouais, quoi qu'il se passe, ils vont être en forme. Logiquement, ça devrait bien se passer. Et puis on a fait ça à Rennes, on fait ça à Lille, on fait ça à Paris, à Lyon aussi, l'atmosphère. Lyon, ouais, voilà. Exactement, ça sera... à la veille de Genève. Voilà. Mmh. D'accord. Et à Paris aussi, au 5-5. Au zigzag. Voilà, au zigzag. Et vous produirez à la Cigale à Paris, ça sera le 3 mai prochain. Ouais, le 4 apparemment, parce que le 3 est complet. Ah, donc vous faites deux dates. Le 4 aussi, et voilà. Eh ben, ça va. Gros, pour l'instant, gros mois. On part pour faire un Olympia au mois de novembre aussi, voilà. En plus, d'accord. Et il y a aussi un des deux chanteurs qui fait au mois de mai la première partie, il s'appelle Kebouz. La première partie de Debout sur le Zinc à l'Olympia aussi. Voilà. D'accord, exact. Aussi, on a eu l'occasion déjà de déposer. Ouais, ça c'est des potes à vous. Hein. C'est tous des potes à nous et on part pour faire un projet parce qu'on a déjà un projet qu'on a attaqué d'ailleurs au Syncopa à Barcelone qui s'appelle Les Touffes Chrétiennes, avec les Fils de Topu, les Babylon Circus et plein d'autres groupes. En fait, c'est quelques membres de chaque groupe qui se réunissent pour faire ça. On a réussi à faire un disque avec un ami chinois là qui faisait le son de la Mano Negra, des Négresses Vertes d'ailleurs, qui est rentré à l'hôpital hier. Ah. Voilà, parce qu'il a une crise cardiaque, et donc je le salue malgré tout. Je sais pas s'il nous entendra jamais, mais. C'est pas grave, en tout cas, l'intention en tout cas, voilà. Et là, la prochaine, on attaque avec Debout sur le Zing et Fils de Topu. On a un projet qui s'appelait l'Orchestre National de Rock. Mm-hmm. Et on part. Et ça sera prévu pour quand, ça, tout ça? Pour 2007, à partir de novembre 2007, voilà. Novembre 2007. Et on se réunit dans un mois là pour voir qui a des morceaux dans son sac et. Voilà, pour commencer à bosser un peu sur le projet. Bosser avant pour attaquer le projet en 2007. Voilà. 95, c'est la formation du groupe, c'est à Bordeaux. Vous êtes tous originaires de Bordeaux. Non, il y a des gens de Tulle, de Corrèze, d'autres des Landes, de Mont-de-Marsan. Moi, je viens de La Rochelle, enfin d'à côté de La Rochelle. Il y a deux de Bordeaux. Voilà. Et on deux s'est rencontrés en fait dans des. Moi, je les ai rencontrés en fait en organisant un concert. Voilà, et tout le monde s'est rencontré. Et tout le monde faisait déjà de la zik. Toi, tu bossais déjà à côté dans des autres groupes. Ouais, moi, je bossais du cours. D'accord. Voilà. Et non, tu t'es dit c'est bon, maintenant terminé. Faut bosser tout court aussi. Hein. Voilà, non, mais la raison. Ouais. Non, mais non, j'ai fait la zik. J'ai fait la fanfare quand j'étais petit. Mon grand-père m'avait acheté un clairon. Ah, c'est sympa. Je voulais faire du tambour. C'est une bonne approche de la trompette, hein, tu le diras. Pour le défilé avec les majorettes, tout ouais, ça. Ma sœur était majorette. Carnaval. Ma sœur était majorette, exactement. Et c'était une manière de nous canaliser, de que le mercredi et le samedi soient un peu peinards aussi, voilà. Ah, bon, en même temps, ça a servi à quelque chose. Puisque oui, après, je me suis acheté une batterie, je voulais faire du tambour, voilà. Donc, et maintenant, tu fais de la trompette. Ben, mon grand-père m'a acheté une trompette avec le clairon. Et on avait organisé, enfin, on avait monté un groupe dans mon village et il y avait un batteur, moi je faisais la batterie. Et en fait, il n'y avait pas de chant ni de cuivre, donc j'ai ressorti tout. Et je me suis mis à chanter aussi, à faire des trucs, des conneries. Et puis de fil en aiguille, mais j'ai rencontré les Renommants en fait comme ça parce que j'avais ma trompette en organisant le concert et eux ils sont arrivés à 4 dans une Renault 5 et ils m'ont demandé s'ils pouvaient jouer. J'aurais dit vous mettez au bar et on a joué jusqu'à 8h du matin et le lendemain j'ai quitté mon boulot, ma copine, tout et je suis parti à Bordeaux. Voilà. D'accord. Ta copine aussi. Ouais. La passion de la musique, hein, comme quoi c'est une vie totale, quoi. Rien ne pouvait le retenir. Carrément, ouais, carrément. 95 vraiment. Donc la formation du groupe. 99 c'est la sortie du premier album qui s'appelle Les Jours Heureux et c'est grâce à cet album que vous avez commencé à vous imposer que le nom ouais, parce on va dire on va mettre ça dans un registre de musique festive. Mm-hmm. Voilà, j'aime pas trop ce mot mais j'aime pas trop ce mot, je trouve que ça mélange un peu de tout quoi. Festif, ça veut dire quoi festif en ce moment tout le monde se fout sur la gueule. Ouais, un peu motivé, ça veut dire que ça rend un peu festif aussi. En même temps, il suffit de vous voir sur scène pour comprendre un peu le terme. Oui, voilà. Après, mais bon, là, c'est un peu plus rock maintenant sur le nouvel album. Même déjà, l'album précédent était déjà un peu plus rock. Je joue l'accordéoniste, c'est passé à la guitare disto. On a mis du oud aussi, donc il y a des morceaux qui sont un peu plus. Par rapport au voyage, on a été en Syrie, au Liban. On a fait beaucoup de voyages en fait. Ouais, bah, c'est un peu ce qui colle aussi. À capter des sons d'ailleurs. Enfin, on voulait pas resservir la soupe. Parce que oui, ça avait marché le premier album, alors on va peut-être faire pareil, parce qu'on est sûr hein, que les gens vont venir nous voir. On n'est pas là pour faire intermittent du spectacle, on l'est intermittent, mais tant mieux. Mais tant mieux, parce que voilà, on n'a pas souci d'argent derrière, mais faut l'épuiser ailleurs. Là maintenant, on a mis des... ça se ressent pas sur le disque, mais on a mis des samples. Le batteur est dans un collectif qui s'appelle Arachnid. C'est un collectif électro avec les boucles et le tranche, tout ça. Et maintenant, on est des samples sur scène. D'accord. Et une des priorités du groupe, c'est quand même le voyage. Je pense que c'est le voyage. Mais là, on va repartir beaucoup. Bon, il faut faire des dates en France parce que voilà, et la tournée est montée. Mais bon, on l'a fait de la musique, on l'a fait à Londres. On repart aux Sviget à Budapest. On repart en Russie, et vous jouez aussi, en Australie. Voilà, vous jouez aussi une fois par an en Russie suite à la rencontre du groupe. C'était à Saint-Pétersbourg. Je crois le nom du Tequila Jazz ouais. Effectivement, donc ça, vous êtes amené à jouer régulièrement. Voilà, ouais. En fait, on les a rencontrés par l'intermédiaire de Nord Désir. Ouais. Ils sont de Bordeaux et on va dire que c'est nos parrains, voilà, ouais. Ce qui s'occupe beaucoup de nous en fait. Là un peu moins, mais enfin les autres s'occupent beaucoup de nous quand même. Mais à part Bertrand qui demande tout le temps des nouvelles et tout, et puis je le salue, mais il n'entendra pas, mais je le salue quand même. Qui va bien? Il va mieux, mais mieux. On peut dire qu'il va bien. D'accord. Je sais qu'il bosse aussi. Là où il est. Il fait des choses avec les prisonniers, mais ça mec bien. Après, ouais, on peut péter les plombs, toi et moi le premier, ou même les gens qui nous écoutent. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, on n'est pas là pour juger quoi. On n'est carrément pas là pour ça. On est d'accord. Et, par contre, il va un peu mieux. Il va, on peut pas dire qu'il va bien, mais il fait des choses en prison. Moi, je sais qu'il bosse aussi avec les mecs, les musicos de Noir Désir. Ouais, ils font un truc, mais là, ils ont fait la musique du dernier film de. Comment il s'appelle? Qui avait fait Bernie, je me rappelle plus. Ah, le mec de. Merde, voilà. Ils ont fait la bande son sur le dernier film de Dupontel qui va sortir dans pas longtemps. Et puis là par exemple Jornini, le batteur, a produit le dernier album des Tetraed. Il y a Serge Tessoguet qui joue avec un Syrien. Je sais plus que ça s'appelle Interlope, je sais plus comment le nom exactement. Et il y a Jean-Paul Bassis qui joue avec Yann Tiersen en ce moment, voilà. D'accord, qui bosse en ce moment avec Yann Tiersen. C'est des bons et c'est des mecs très très bien, donc tout le monde rêve de s'entourer de gens comme ça sur scène. Ok, et un an après la sortie du premier album, vous sortez en 2000 La Belle Affaire, le titre, qui ressemble plus ou moins au premier. Oui, ouais. Qui est dans la même lignée, puisque vous précisez clairement que l'album qui va sortir le 13 mars prochain, qui s'appelle Temps Suspendu, je vous le rappelle, est complètement peut-être différent, en tout cas qui colle un petit peu plus à l'identité de chacun d'entre vous ici, Musicos. Ben voilà, ouais, parce qu'on est nombreux et on part dans dans plein de sons différents. Moi, je sais qu'en ce moment, j'écoute beaucoup plus de musique électro, cuivrée. Genre, j'aime beaucoup le Peuple de l'Herbe, par exemple. Ouais, ouais. Nous aussi. Dont on parle beaucoup en France. J'écoute beaucoup de musique latine parce que, bon, avec la trompette, tout ça. Enfin, voilà, j'aime bien ça. Après, je sais qu'il y en a qui sont plus axés sur la chanson. D'autres, bah, Rémi, il part vraiment dans la musique électro, son ou même hip-hop. Le fait d'avoir rencontré Reptil aussi. Mais en même temps, c'est une richesse de que chacun d'entre vous ait des cultures plus ou moins musicales différentes. Mais est-ce que ça pose pas justement des problèmes dans la création musicale en elle-même, artistiquement parlant? Est-ce que des fois ça peut pas poser un problème que chacun ait des identités complètement différentes et que ça foute un peu le bordel dans le groupe? Mais c'est pour ça qu'on fait tous autre chose à côté. D'accord. C'est pour ça que j'ai avec Jacques là qui va qui ouais, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs. Il a sa guitare. Bonjour, bonsoir, voilà. Je sais pas, je vois pas le jour, mais c'est pas bien grave. C'est Jacques, Jacques de Bordeaux. Il y en a qui se réveillent à cette heure-ci, donc on peut leur dire bonjour. C'est pas un problème. Happy birthday tout le monde. Donc c'est notre représentant des touffes chrétiennes, c'est bien ça? Exact. Voilà, qui est venu avec sa guitare aussi. Donc ça, c'est un scoop. C'est parti du syncopa, cette histoire. C'est parti en fait d'une idée. On s'est rencontré avec au Festival de Marne à Paris avec François, le tromboniste des Fils de Tepu. Et on s'est dit, il y a de ça 8 ans, et on a vraiment accroché, tous les deux. On s'est appelé dès le lendemain, et puis je suis passé 4-5 jours chez lui, il est venu à Bordeaux. Puis on a eu envie de jouer ensemble, et puis en rencontrant les ogresses, les deux filles des ogres, on s'est dit, on va faire une petite répète à Bordeaux, 3 jours. On est tous en vacances, et on va partir à Barcelone, parce que j'avais une amie, là, Elisabeth, que vous avez rencontrée tout à l'heure. Et on savait pas où débouler, puis on a déboulé chez ce gars à côté qui a les casse-casse là, chez Philippe, qui est mort de rire depuis le début. Qui nous a fait marrer d'être avec Philippe Bachelot, c'est ça, hein. Ça te fait rire. Il nous a accueilli royal, et on l'a passé, on va dire, 4 jours de ouf quand même à jouer chez lui. Ok. Je tiens quand même à préciser que ce fut la meilleure fête de l'existence depuis l'existence de ce bar. Ah ouais, avec eux. Toutes les dates confondues, on a eu de tout plein de choses partout pendant 6 ans. Ouais. Et c'est la meilleure fête, c'est eux qui l'ont fait. Et vous allez la refaire alors. C'était la meilleure, vous allez remettre ça, non? Parce que nous on était même pas au courant, on était même pas dans le bar. Mais c'est prévu qu'on revienne et on viendra sûr jouer là-bas. Voilà. Et puis en plus, je te file un disque, donc tu auras l'occasion de faire écouter. Parce que depuis maintenant, on a enregistré quelques morceaux, 7 ou 8 morceaux. Voilà. Je l'ai dans les mains ce disque. Est-ce qu'on peut vous écouter les mecs en live ici? Bah, on va entendre, il y a une guitare qui est prête. Ça y est, il se prépare. Il a déjà l'instrument dans les mains, il a plus qu'à danser avec ses doigts. On y va? C'est un morceau que j'ai écrit il y a un an et demi quand on est passé avec Pépite, qui s'est passé dans la quille de Vigno. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ouais. Noche, mi amor me mata, mi alma está perdida en Barcelona, por la calle Davino, soy el fantasma, por la plaza Chiripis. Ya me voy a dormir, pero en mi sueño, y es el mismo sueño, mi alma está perdida en Barcelona. merde. Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Ah oui, monde de merde. Bonjour tendresse, ton clochard céleste se lève à peine et se demande encore si la vie tiendra promesse. Veux-tu bien cracher du lest? Veux-tu bien cracher du lest? J'ai dans l'idée que tu ne seras pas la dernière. J'en ai levé des comme toi, des tas et puis des tas. J'en ai rincé, j'en ai volé, j'en ai vidé, j'en ai brisé, j'en ai fait rouler sous les tables comme cela est tout d'un trait. La monnaie de ma pièce, l'addiction s'il vous plaît, le cierge à la messe d'une mort annoncée. Que vous ne serez pas la dernière. Mais voyez-vous, madame, ce qui me plaît, c'est de m'y perdre. La vie et ses extrêmes ne sont pas faites pour me déplaire. Un sourire au réverbère en attendant les primevères. En souriant au premier verre, en quémandant mes derniers verres. En trébuchant quatre fers en l'air, en dégueulant son monde par terre. Les béquilles de mon choix sont liquides et je m'en froid. Le plaisir d'en abuser, j'ai besoin de m'oublier. La monnaie de ma pièce, l'addiction s'il vous plaît. Le cierge à la messe d'une mort annoncée. L'addiction s'il vous plaît. Veux-tu bien? Veux-tu bien cracher l'est? Et se demande encore si la nuit tiendra promesse. Veux-tu bien cracher du lest? Veux-tu bien cracher du lest? Eh ben on y va. Tu vois, on perd pas de temps. Hein. Extrait du prochain album des Hurlements de Léo, Temps suspendu. C'était Addiction, d'où le titre, je ne sais pas. Tu peux nous le préciser vite fait, parce qu'apparemment il y a des choses qui se sont dites et certains membres d'ici dans les studios n'avaient pas forcément capté qu'il y avait une musique qui passait. Alors on va la refaire, on va tout refaire, hein, les mecs. Hein, mot par mot, la virgule par virgule, vous allez tout nous raconter. Mais comme tu dis, Temps suspendu, c'est bien sorti parce que exactement. Pour le moment, on se croyait à l'antenne, écoute Laurent, parce qu'on était avec notre fameux guitariste des Touffes Chrétiennes. Ma foi, on lui demandait s'il avait une certaine actualité, des choses. Rebonsoir pour ceux qui n'étaient pas là. On va la refaire. Allez, c'est parti. On y va. Là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Vas-y, on y va. On y va. On y va. C'est branché. On peut y aller là. Donc, écoute, on en était à ton actualité. Ce que tu avais nous raconter, des petites infos, tout ça. Qu'est-ce qui se passe par là? Tu disais que t'étais de Douarnenez en Bretagne. Ça. Non, non, je dis pas loin de chez moi, Douarnenez. Ah, pas loin de chez toi. Je suis de Morlaix. Ah, Morlaix. Ah, Morlaix. Ouais, c'est un peu plus haut. Hein, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Petit voyage en Bretagne et donc t'es allé jouer. Hein. Ouais, on parlait de tout. Voilà, donc on est parti de Douarnenez, Rennes et on est allé en Hongrie, ensuite en Tchéquie et en Allemagne, on a tout défoncé. Ah, t'as tout défoncé. On est tout. Tout défoncé en Allemagne. Et exact. Ça a tellement bien marché qu'on va y repartir vers avril par là. Quoi. Du 9 au 18. Voilà. Du 9 au 18 en Allemagne. En Allemagne, après Lisbodek en Tchéquie, Prague, Pest dans les pays. En Hongrie et Budapest 2 jours. Et Budapest 2 jours. Avec les fils de pute d'ailleurs. D'accord. Voilà. Bah d'ailleurs, tu nous en parlais tout à l'heure. Un plateau, fils de pute, Touffe, Chrétienne. Mm-hmm. Et en première partie, Tchakos de Bordeaux, parce que le truc a bien marché à Tulle là. Et, Alors, on n'est pas à l'antenne. Hein. Il fait l'ouverture, il fait l'entrée des gens, comme on aura droit d'ailleurs à l'Apollo. Voilà. Ok, d'accord. Ah, de la balle, il va être là aussi. Donc, ouais. Jacos de Bordeaux, putain, ça pète tout ça. Putain, ça ouais, mais ça, c'est un bon nom d'artiste, hein, je t'ai arrêté de le dire. Tu sais d'où ça vient, c'est quand j'ai vu le film Brise de Nice. Brise de Nice, il faut la faire, tu vois, style. Moi, je dois faire à la Bretonne. À la Bretonne, Brise de Nice. Alors, j'étais dans le film Brise de Nice, même toi. Quelle horreur. Je me dis, putain, mais je m'appelle Jacos de Bordeaux, ça. Ah, d'où le truc Jacos de Bordeaux, la vanne, d'accord. Le truc Brise de Nice, c'était devenu un grand truc. C'est sorti il y a quoi, c'était quoi, il y a 8 mois, un film sur les vannes, d'où les pseudos machin à deux balles. Dis pas ça pour lui. Non, mais non, je dis pas ça. Je dis ça pour Brise de Nice. Je dis ça pour Brise de Nice. D'accord. Justement, à la limite, c'est peut-être mieux de le faire avec un groupe de zik, quoi. Et notre ami de l'accordéon qui me demandait si j'avais coupé son micro. On notre t'a pas entendu ami de l'accordéon. Ouais. Ah bah alors. Ouais, non, on va prendre dans deux petites minutes, les gars, hein, je vous dis. Un morceau des festivités de mercredi. Ouais. On dit festivité, puisqu'on est de la musique festive, nous aussi, festivité. Festivité et, aussi. Dans un studio festif. Ah et, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et, donc mercredi, c'est Gadjo qui fait la première partie. Gadjo, c'est très long à expliquer et dur à expliquer, court, mais en gros, c'est 8 musiciens qui viennent. Il y a un Allemand. Non, il n'y a pas d'Allemand. Il y a un Français. Il y a 4 Anglais. Il y a un Danois, un Américain et un Belge. Et on vit tous à Barcelone. Et c'est un groupe qui s'est formé d'abord 3, après 4, après 5. Après, il y en a un troisième qui arrive, qui dit... Et qui vient d'où, lui ? Ok. Et ça fait 7. Et après, il y en a un huitième. Et on continue à jouer à 8. Et là, on s'est arrêté de prendre des gens dans le groupe. Parce qu'on a une formation. On s'est dit, oula, on va pas tous entrer dans le camion. Et c'est un groupe de rue. On a joué dans la rue. On a fait beaucoup Barcelone. L'été dernier, on a joué dans les rues en France. On est monté jusqu'à Saint-Chartier pour le festival des Luthiers. Et on s'est aperçu. On a sorti un album avant de tourner. Et on s'est aperçu que ça marchait bien pendant tout l'été, et on est revenu à Barcelone avec toute cette énergie et envie de faire plus et plus et plus, et on a rencontré les deux demoiselles mystérieuses qui sont derrière les micros, ouais, qu'on n'entend toujours pas. Ouais, mais qui vont pas rester mystérieuses très longtemps, hein, puisqu'elles vont venir nous rejoindre. Qui nous ont branché cet hiver avec les hurlements pour faire l'Apollo. Et comme depuis un an, c'est interdit de jouer dans la rue à Barcelone, et que ça commence à être difficile de jouer dans des lieux. Carrément, c'est chaud, quoi. Et voilà. Forcément, il faut se produire sur scène. On se bien retrouve ça. À l'Apollo, et c'est un coup de bol, c'est un coup de... Je ne sais pas si c'est mérité ou si c'est de la chance, mais on y sera, et avec tout l'enthousiasme. Et le plaisir de jouer, en tout cas. Ah ouais. Ça, c'est clair. Et moi, je voudrais même rajouter quand même que s'il y a des gens, en imaginant qu'il y a des gens qui bossent dans la mairie ou des politiciens et compagnie, la musique, ça prend avant tout dans la rue, mm-hmm, et pas dans les écoles de musique. Voilà. Surtout, les trois quarts des gens qui ont du talent ne peuvent pas se payer des cours. Mm-hmm. Et nous, à la base, moi, je suis venu à Barcelone parce que c'était une des rares villes où il y avait encore... Mm-hmm. Et là, elle est en train de perdre son cachet. Et elle est en train de perdre toute sa couleur. On est d'accord. Parce que ça va finir comme Paris. Et le côté alternatif. Barcelone, justement. C'est pas comme Paris va mourir d'ennui, c'est Barcelone va mourir d'ennui bientôt, quoi. Voilà. Ouais, ben un peu, effectivement, un peu comme le cas de Paris. Et c'est un peu le problème qui se pose pour tous les musicos. Tous les musicos ici à Barcelone qui ont de plus en plus de problèmes pour pouvoir jouer tranquillement dans la rue. Ça fout un peu le bordel. Tel est ton cas d'ailleurs. Hein. Et je crois que vous avez aussi des soucis avec les lois qui ont été votées. Est-ce que vous aussi, on chope votre matos? Les lois permettent de jouer, mais finalement, ça se passe avec un espèce de tirage au sort le lundi ou le mardi. Voilà, c'est ça. Avoir, ouais. Selon le mois qui suit, une heure ou deux, à un endroit précis et dans un endroit où personne ne passe. Et du coup, les gens, pour voir un groupe... Parce qu'à 8, on ne peut plus jouer du tout. Mm-hmm. Il faut être minimum 6, je crois. Ouais, c'est ça. Maximum 6. Ouais. Maximum 6. C'est n'importe quoi. Ou 4. Et ils choisissent les... Il y a carrément un tirage au sort. Hein. Genre, ça sera toi ou pas toi. Mais après, il y a tout un papier qui explique les lois. Il faut jouer des musiques qui ne soient pas ennuyantes, qui ne soient pas répétitives, qui ne soient pas... Bientôt, on va nous interdire de jouer des accords mineurs. T'imagines. T'imagines. En termes, c'est soit suave et mélodique. Parce qu'il y a des gens qui sont majeurs. Et pourtant, hein, tu vois, ça n'empêche. Justement. Les salles, même les salles pour jouer, pendant l'année dernière où ils ont établi cette loi, ils ont fermé 30 salles où on pouvait encore continuer à jouer à Barcelone. Des salles de nuit qui n'étaient pas forcément déclarées, mais où les gens savaient qu'ils allaient avoir de la musique en live. Je les connaissais pas toutes, mais ils en ont fermé 30. Ouais, c'est vraiment triste. Et je crois qu'on peut revenir à ce que dit Pépito. C'est vrai que la musique, c'est pas quelque chose qu'on va jouer enfermé. Ça se passe dehors. Dans un studio avec des labels, ouais, machins, des productions et compagnie. Il y a des choses qui se passent aussi dans la rue. Et c'était le côté alternatif de Barcelone qui branche aussi. Par exemple, la Mano Negra a commencé dans le métro. Mm-hmm. Et il y a pas que. Il y a les casse-pieds avant tout. Ouais. D'ailleurs, c'est parce que là, les casse-pieds ont fait ça que la Mano Negra a fait ça. Après, je parle ça pour les plus vieux, mais. Comme tu disais, dans cette chaque. Surtout qu'il y a une partie des casse-pieds qui était dans la Mano aussi. Après, les casse-pieds ont commencé avant dans le métro et il y a plein de groupes comme ça qui ont commencé dans la rue. Avant c'était autorisé, maintenant c'est vraiment interdit. L'an dernier avec Chuck, on essayait de jouer à deux, guitare, trompette, bouchée, ça durait 3 minutes 50. 3 minutes 50. On venait pour se faire l'argent quand même, à la base. Ouais, on est parti. On dort. Malgré tout, on dormait au port sur un super voilier. Voilà, on a eu au moins cette chance-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la priorité aussi du groupe des Hurlements. C'est le voyage. Et je pense que ça fait partie justement de ce dont on est en train de parler. C'est que le voyage vous amène voyage aussi. On rencontre les gars de Joe là aussi. Exactement. Et que le jour où les musicos resteront en studio et que personne n'aura plus le droit de jouer dans la rue, je crois que la communication sera difficile aussi bien pour nous qui sommes Il existe encore. Juste les auditeurs. Maintenant, il y a Lara Fabian pour ça. Voilà, exactement. Academy, c'est un exemple, un très bel exemple de qualité, on va dire. De qualité, ouais. De grosse qualité, pure non, production. Mais après, voilà, moi je vais pas cracher sur ces trucs-là. Après, chacun écoute. Je fais pas la polémique du truc, mais chacun écoute ce qu'il veut. Si les gens ont envie de s'abrutir à regarder des émissions de merde, ils le font, quoi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Je trouve que déjà, les gens, ils ont déjà tellement l'habitude d'aller au boulot tous les matins, de galérer pour gagner une paye qui ne correspond pas au travail qu'ils fournissent. En plus, on leur propose de la merde à la télé. Si non, en plus, c'est... dans la rue, des peu qui sortent, ils n'ont pas le droit de sortir et s'éclater avec des gens qui les font un peu marrer. Maintenant, ils écoutent la musique à la télé, tu vois, c'est comme quoi. Ils ont pour se payer le digital. Et en plus, ouais, il paraît, ouais. C'est tellement vrai. Avant d'écouter un petit extrait de Gadjo qui fera donc la première partie de Hurlements de Léo mercredi à l'Apollo, 7 €, hein, c'est pas des masses. Hein, si vous êtes, je crois que les places, vous pouvez les choper directement là-bas. Nos deux jeunes filles vont venir nous parler de tout ça. Je pense que c'est les mieux placés pour nous raconter un petit peu la façon dont ça va se passer mercredi. Voilà. Bien sûr. En plus, il reste une petite dizaine de minutes. Elle s'appelle Nadège, elle s'appelle Delphine, elle se regarde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui parle? Bon, alors vous venez, placez-vous là ici. On vous attend, les filles. Nadège qui connaît les studios puisqu'elle avait déjà eu l'occasion de venir ici avec les Batuqueros il y a deux petites semaines quand ils avaient joué en live. Ils avaient fait un petit buff ici en direct, c'était très sympa. Tel est le cas encore une fois aujourd'hui. Alors elle se partage un micro ou chacune des deux prend un micro? Oui, on partage. Vous savez, il y a de la place. Hein. On a du matos ici à Contrabanda, on a de l'argent, il n'y a pas de problème, allez-y, on y va. Alors Delphine, bonsoir. Bonsoir. Ici devant le micro, ça sera vachement. Bonsoir. Voilà. Vous avez entendu la petite voix du sud, hein, on la reconnaît tout de suite. Hein. L'accent du sud. Tu viens de Toulouse, c'est là où finira d'ailleurs. C'est là où finiront les Hurlements de Léo, leur tournée. Ça sera le 11 mai prochain. C'est ça, on est d'accord? C'est ça, 11 mai prochain, je me trompe pas. Vous finirez là-bas. Donc, originaire de Toulouse, forcément, je pense que tu les connais. Tu les connais peut-être certainement mieux que nous, peut-être même avant nous, les Hurlements de Léo. Toulouse, non, même pas? Non, je même les connaissais pas. Tu les connaissais pas? Non. C'est Nadège qui les connaissait? Non, personne ne les connaissait. C'est vrai qu'on les connaît pas. Hein. Nous, on les ressent, on sait pas qui vous êtes. On les connaît, mais on les connaissait pas. On s'est envoyé les photos sur internet. Voilà, on sait plus, on s'est dit bon, c'est bon, viennent. Vous avez chatté, tu lui as dit moi je suis trompettiste dans un groupe. Ah ouais, c'est quel groupe? Ah ok, on va se rencontrer, venez ici à Barcelone. Toujours est-il que c'est essentiellement grâce à vous que les Hurlements de Léo viennent ici à Barcelone commencer leur tournée en France. Il faut le dire, je pense qu'il faut insister là-dessus. Nadège, qui est morte de rire. Nadège, tu connais le micro maintenant, t'as eu l'occasion de passer ici. Je connais le micro. Moi. Tu connais le micro, comment ça va? Bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la façon dont ça va se passer mercredi, puisque je pense que les places, on peut les choper directement à l'entrée? Alors c'est directement à l'entrée, ça ouvre à 8h30 et voilà, et le concert commence à 9h, 9h30, mais il faut être à l'heure. Mm-hmm. Je pense qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, j'imagine que... Ouais. Elle est directement à la salle Apollo, en bas, la petite entrée rouge, c'est écrit Apollo. Il y a un nombre de places limité, donc peut-être qu'il va falloir speeder pour les gens qui... 1200 places. Ok. Et bah soyez nombreux en tout cas à l'entrée, choper les places. Ouais. Soyez à l'heure si vous voulez pas vous retrouver en galère, parce que ça va aller très très vite, j'imagine. En tout cas nous on y sera tous. Et puis un grand merci à toutes les deux, hein, de nous donner le privilège d'aller les voir sur scène, les Hurlements et puis Gadjo bien sûr. Ouais, mais ce sera un plaisir partagé. Ça sera un plaisir partagé. Non, on n'est pas à l'antenne. D'aller les voir sur scène. Et moi je croyais que tu parlais des demoiselles. Mais bon, on va les croiser forcément. Bah forcément on va les croiser quand même. Mais bon, elles seront peut-être pas sur scène, mais elles seront pas loin en tout cas. Est-ce qu'on prête chez toi? Est-ce qu'on prête toi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, même pas. Oh putain, alors là, franchement, là, je peux rien faire pour toi, là. Est-ce qu'on m'aime pas près de toi? Bah non, mais t'inquiète. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour toi. Écoute-le, l'artiste. En tout cas, je crois que tu peux, t'es mieux placé pour nous dire que des fois, faire la promo d'un concert, ça peut coûter cher. Hein, puisque des fois, tu peux mettre des posters à des endroits où il faut pas et on peut se retrouver même en cage. Bon, c'est pas vraiment un scoop, on a parlé la semaine dernière. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ah ouais, je me suis fait coffrer une heure chez les keufs pour les affiches de hurlement. C'est assez sympa, quoi. Bon, là, ils peuvent retapisser, hein, la gendarmerie. Je crois qu'ils ont 37 affiches. Mais bon, ça va, ça gère pas d'amende et tout. Bon, c'est bien marré quand même. Max, un collègue. Ouais, enfin, nous, on n'était pas là. Je sais pas si tu t'es marré après au Comico, mais enfin, nous, ça nous a pas fait beaucoup rire de il y avait trois. Et toi, tu nous as lâché. Ouais, bah, moi, j'ai rien à faire. Vieux lâcheur. Ah, t'es pas venu me sauver là, hein, sur ce coup-là, cousin. Non, là, sur ce coup-là, non. Ouais, j'avais trois paquets avec moi, une te plus, c'était sympa, il y avait de l'ambiance. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, il y avait de l'ambiance, c'est ouais. Cool, bah, sérieux, on s'en foutait, quoi. C'est con, vous auriez non, les bières étaient sous-scellées, et on pouvait même pas les boire, je te jure. En plus, bah, tu parles. Ils ont attendu que vous partiez pour pouvoir les picoler. Ouais. On va écouter un petit extrait de Gadjo, donc on retrouve en première partie des hurlements de Léo. Ça sera mercredi. C'est pas forcément une première partie, quoi. Ouais. Dire ça, mais c'est pas une première partie. C'est deux concerts, tout simplement. Donc, il y a pas de première partie, il n'y a pas de seconde partie. Si, il y a Tchak en première partie. Et il y a Tchak en... dans une partie. On y va, vas-y Nadège. Non, pour rajouter qu'entre les deux concerts, il y a aussi un spectacle de clown. Et ça s'appelle Nomala Circus. Ça sera du jonglage et spectacle de clown sur musique. Et ça sera entre les deux concerts ou ça sera Ça sera entre les deux concerts. Il y aura plein de surprises de toute façon. Il y a plein de surprises. Il faut venir mercredi. Soyez à l'heure en tout cas, puisqu'il y a 1200 places. Et, on les chope là-bas à l'entrée, donc soyez présents assez rapidement pour éviter de vous retrouver. Ouais. Quel est ton cas, mon frère? C'est vrai. Non, mais si, ça va, ça défraye la chronique. Ça risque d'être blindé. Enfin, on espère en tout cas qu'il y ait du monde. Hein. Parce que c'est une première. Heureusement qu'il y a des groupes français qui viennent, parce qu'il y en a tellement très peu. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai rencontré, je vois souvent, c'est des bons amis, c'est les Babylon Circus qui attendent que ça pour venir et avec les improvisateurs d'hommes. Et si ça marche bien, je pense que les filles, elles ont du boulot derrière qui arrive plein pot. Voilà. Ah bah, ça nous ferait bien plaisir de les voir à Babylon Circus aussi. Putain, prog. Dans les studios à Contrabanda qu'à l'Apollo ou dans une autre salle ici à Barcelone. En tout cas, c'était des très bonnes initiatives et on tenait à vous féliciter, les filles. Franchement, super. Vous avez fait du super boulot, les filles. Ouais, terrible. Ça marche. Terrible. Donc, ce sera mercredi. Vous jouez aussi, bien entendu, jeudi. Tu nous rappelles l'endroit précis du bar dans lequel ils jouent jeudi soir. Alors, le jeudi, ouais, parce qu'il y a deux dates. Il y a deux dates, effectivement. Donc, là, je pense qu'il n'y a que les hurlements tout seul. Hein. C'est bien ça. Hein. Non, donc... Yuri qui fait la première partie. Il n'y a pas de première partie. Bon, il y a pas de première partie, il y a Yuri aussi, apparemment il y a Yuri, donc il faut venir à quelle heure, parce que c'est minuit et demi apparemment, peut-être un peu avant, ou 11 non heures. 11h, bon, ouais, 11h, histoire de boire quelques mousses, quoi, normal, ou du Havana Club, comme ici près, ici aussi. Ah, petit et mot. J'ajoute, si jamais il y en a qui sont en train d'écouter l'émission, qui sont loin et qu'ils peuvent pas arriver mercredi pour nous voir, ils peuvent aussi voir Gadjo samedi à la Macabra. À la Macabra. Au 40 Cahiers Tanger. Ouais. Ah, la Macabre, ah, c'est donc ils réservent leur billet ce soir, ils peuvent partir jeudi, d'arriverait jeudi dans l'après-midi à la limite, et puis ils se font les deux concerts. Ouais, ouais, carrément, écoute, ça, c'est même un super programme parce qu'il y a Foufouaille qui joue juste à côté, hein, à Poblenor, on peut faire deux concerts en même temps. Voilà, Cahiers Tanger, et donc au Porto Urraco, c'est Cahiers, je sais plus quoi, enfin c'est ça, Poblenor, ouais, immanquable aussi, immanquable. Mythique, c'est le mot, on l'a employé plus d'une fois, le Porto Urraco. Tu m'étonnes. Bon, on va juste finir, puisqu'il nous reste 5 petites minutes et que le temps passe très très vite. Attendez, les gars, vous pouvez rester là, les mecs, vous êtes les bienvenus là, c'est quand même cool, non? Ça va, non? Vas-y, Pépito, je t'en prie. Un truc à dire, c'est que on aura des invités aussi, il y aura Franck qui est là, avec, je sais plus comment il a appelé son truc, il y aura les Mongos. T'es comme moi, ça me rassure, non, je te jure, ça me rassure. C'est Talking Drum. En tout cas, c'est le Talking Drum, c'est la. En tout cas, c'est un vrai plaisir, c'est parce que c'est un ami que je connais depuis très longtemps et voilà, ça me fait très plaisir qu'il vienne jouer avec nous. Pourtant, mercredi, on se fait des phrases souvent, mais là, ça se contrécise. Et puis, Philippe aussi au Cascasse va venir, comme il avait fait une fois avec nous à la Cigale à Paris, faire des Cascasses. Voilà. À la Cigale, dont vous c'est bien d'avoir des invités du pays, quoi. Voilà. D'accord. Vous jouerez d'ailleurs à la Paris à la Cigale, comme tu me l'as précisé, le 3 mai et le 4, puisque le 3 est déjà complet. Il faut speeder. Le lendemain, il y a encore une date pour nos amis parisiens qui nous écoutent, et puis pour mes potos qui m'écoutent certainement par le biais du net. Ça, j'ai qu'à Sergi Pontoise, c'est dans le 95, c'est notre secteur à nous. Ça sera le 17 mai prochain, le 17 mars prochain. Donc d'ici une grosse quinzaine de jours. Nadège, tu voulais rajouter un petit mot pour conclure? Oui, Non, c'est juste pour dire que nous, bon, on s'occupe de plusieurs groupes et que demain, pour passer l'info, il y a les Batukeru Zakai qui étaient passés il y a 2 semaines ici. Exact. Qui passent en concert au Chess Lounge. C'est gratuit. C'est Cahier Diputatio numéro 206. Et voilà, et c'est vraiment un super groupe. Donc voilà, les Batukeru, ce qu'on vous conseille d'aller voir, ça sera au Chess Lounge. On en a parlé tout à l'heure, tu l'as annoncé dans ta petite chronique d'info concert. Exact, de cette semaine. Carrément. Voilà, on peut faire passer le micro, hein. Ouais, s'il y a des petits mots à passer. Voilà. Tiens, Philippe, tiens, s'il y a des auditeurs qui t'écoutent en direct du bar. Peut-être. Non, mais c'est pas loin, le psychopathe. Allons-y. Vas-y, un Philippe, petit mot. La prochaine teuf, tu nous oublies pas, s'il te plaît. Ce serait bien de nous prévenir. On a envie de venir faire la fête avec vous. Des fêtes exceptionnelles, comme il y en a eu, apparemment, il n'y a pas très très longtemps. On aimerait bien être de la partie, nous aussi. N'est-ce pas, Philippe? Bon, alors, on faisait souvent des teufs au Syncopa avant. Malheureusement, il y a la nouvelle politique de la mairie. Mm-hmm. Donc, maintenant, tout est freiné. On en parlait tout à l'heure avec les concerts, là. Ouais. Voilà, c'est pareil au niveau des bars. D'accord. Le bruit, un pet de mouche, il y a un hélicoptère qui arrive. Ouais. Donc, c'est plus possible. Ouais. Donc, moi, je peux rien dire de plus, quoi. Voilà. La fête, elle est encore à Barcelone, mais Barcelone, c'est une ville, elle est en train de profiter d'une réputation qu'elle ne vit plus. Exact, c'est un peu et le problème dont on a parlé. Et dans peu de temps, ça se saura, et dans peu de temps, il y aura du changement. Si on ne vire pas ce maire, là, il y aura du changement très bientôt, je pense. Est-ce que le prochain sera mieux, sera meilleur? Je ne sais pas, en tout cas, tu vois-t-il qu'effectivement, Barcelone commence à changer là-dessus, et je pense que les musiciens sont les premières victimes. Un petit mot pour conclure, un petit bonjour à ta grand-mère qui nous écoute par conclure, internet. Si tu permets. Bonjour à ma mère. Vas-y, je veux dire, moi, c'est que si la démocratie pouvait changer quelque chose, elle serait interdite. Ouais, de toute façon, on est d'accord. Putain, par contre, la médiocratie est légalisée. Ouais, exact, on est d'accord aussi. Un petit mot aussi, mon ami, puisqu'on t'a pas beaucoup entendu. Tout à l'heure, t'as tchatchatché, mais à ce moment-là, je passais un disque et je crois qu'on s'est pas compris. Un petit mot pour conclure, ça nous a fait plaisir. On s'est pas beaucoup vu parce que. C'est à moi le mot de la fin. Ouais, c'est à toi le mot de la fin. Ouais. Eh ben, le mot de la fin, ça sera les notes de la fin, qu'à jouer jusqu'à ce que la police. Bah, carrément, et il nous reste deux minutes. Pour arriver. On va y aller les gars, deux petites minutes, on va clôturer par ça, un petit bœuf, on se fait une petite jam, c'est parti. Voilà, on va finir là-dessus. Vous étiez. Je pense que pour les gens qui n'auront pas l'occasion de voir le truc ce week-end, je pense que pour l'instant ça se passe pas mal. Il y a eu un petit bœuf apéro au Syncopa et je pense qu'on aura l'occasion de voir en France les gajos sur une ou deux premières parties d'Hurlements cette année, voilà. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de le voir. Vas-y, dis-moi encore plus fort. Radio Bronca demain soir, oui, vous retrouvez les Hurlements de Léo. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un de Radio Bronca qui est ici, qui s'appelle Fernando, qui va juste venir dire un petit mot, puisque demain, les Hurlements de Léo feront une émission chez vous à Radio Bronca. Ça sera à partir de quelle heure? 9h, 21h. 21h. Ok, et jusqu'à? Jusqu'à, pardon? D'accord, c'est juste une heure, d'accord, excusez-moi. 21h, 22h, donc ça sera les Hurlements de Léo, ça sera sur Radio Bronca. C'est 104.5 la fréquence pour les écouter à partir de demain. Voilà, et puis un petit mot aussi encore une fois pour Nadège. Alors je rappelle juste les dates ouais. pour les Hurlements. Donc c'est à l'Apollo, le mercredi 1er mars à 9h, ouverture des portes à 8h30. Et le jeudi à minuit et demi au café Yantiol Théâtre qui se trouve Calle de la Rirrieta numéro 7. Voilà. C'est cool. Merci aux Hurlements de Léo, merci à Gadjo, merci à toute la Clica d'être venue ici dans les studios. Vous étiez sur Radio Contrabanda. Salut à tous. 91.4. Je ne me mets pas quand je suis au Syncopa.